Le testament des 12 patriarches. Version française intégrale. Traduit de l'arménien par Sargi Josephans. De l'araméen par Koulé et Pass. Du russe par Tichon Ravov. Du grec par Charles. Aussi en slave et latin. Préface. Bénédiction des tribus. De Jacob, Genèse, chapitre 49. De Moïse, Deutéronome, chapitre 33. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous fils de Jacob et écoutez, écoutez votre père Israël. À Ruben mon premier-né, ma force et premier fruit de ma vigueur, supérieur en dignité par le rang, mais il est monté sur ma couche. Ta vague ne s'élèvera plus, car tu portes la honte d'être monté sur le lit de ton père. Que Ruben vive et ne jamais mourir, et que ses hommes soient nombreux. Siméon et Lévi font la paire à faire l'injustice par le poignard. Mon être n'est pas dans leur conseil, ni compté parmi leur assemblée, lorsqu'ils tuent des hommes par colère et mutilent des bœufs par plaisir. Maudite est leur violent rage et leur implacable colère, je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. Les Thummim et Urim furent confiés à l'homme saint qu'Israël a tenté à Massa, contre qui Israël a contesté aux eaux de Meriba. Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai pas vus, il ne fait pas de distinction pour ses frères, ni de reconnaissance envers ses enfants, mais observe ta parole et garde ton alliance en prescrivant tes ordonnances à Jacob, ta loi à Israël, et mettre les parfums sous tes narines, l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force au Éternel, agrée le travail de ses mains, brise les reins de ses adversaires, pour que ses ennemis ne se relèvent plus. À la tribu de Siméon, leur héritage est au milieu de l'héritage des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Tu recevras les hommages de tes frères au Juda, les fils de ton père s'abaisseront devant toi et ta main sur la nuque de tes ennemis. Mon fils Juda est le petit d'un lion qui se nourrit de proie. Il s'agenouille, s'étend comme un lion, comme le roi des animaux. Qui osera le provoquer? Le sceptre ne quittera pas Juda, ni le bâton du jugement d'entre ses pieds, jusqu'à la venue du Shiloh. À qui les nations obéiront? Il attache son âne à une vigne et le petit de son âne à une vigne de choix. Il trempe son vêtement de vin, sa robe dans le sang des grappes. Le vin obscurcit ses yeux, le lait blanchit ses dents. Ô Éternel, écoute la voix de Juda, sois lui en aide contre ses ennemis, pour qu'il ramène son peuple par la force de ses mains. Zébulon habitera sur le rivage des mers. Il sera un port pour les bateaux jusqu'aux limites de Sidon. Réjouis-toi Zébulon de ce qui sort de toi. Issachar est un âne vigoureux qui se couche parmi les troupeaux en voyant un bon lieu de repos et la terre agréable. Il baisse son épaule au fardeau et devient serviteur en échange d'un salaire. De tes tentes, Issachar, les tiens appelleront les peuples pour offrir de justes sacrifices sur la montagne et sucer l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Dan gouvernera son peuple comme une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur la voie, une vipère sur le chemin qui mord le cheval au talon et fait basculer le cavalier en arrière. J'ai l'espoir de ta délivrance au Jéhovah. Dan est le petit d'un lion qui saute hors de Bashan. Gad attaquera jusqu'en bas une troupe qui l'attaquera. Béni est celui qui accroît Gad. Gad repose comme une lionne après avoir déchiré le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays où est caché l'héritage du juge. Il a marché en tête du peuple et exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. D'Acher sortira un pain gras qui fournira les mets royaux. Béni est taché parmi ses fils. Et combien agréable parmi ses frères. Il baigne son pied dans l'huile et ses chausses sont de fer et d'airain. Ta vigueur durera autant que tes jours. Naphtali est une biche laissée libre, qui donne de beaux discours. Naphtali sera sasi de faveur, comblé de bénédictions de l'Éternel, et prend possession de l'Occident et du Midi. Joseph est un rameau fécond près d'une fontaine, dont les branches dépassent le mur. Les archers ont tiré sur lui et provoqué l'amertume en le persécutant, Mais son arc resta ferme et souple les mains de ses bras par les mains du puissant de Jacob. Devenu le berger, et même la pierre d'Israël grâce au Dieu de ton Père, le Tout-Puissant te bénit de bénédiction des cieux d'en haut, bénédiction des basses couches de l'abîme, bénédiction de la poitrine et des entrailles. La bénédiction de ton Père est sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui était séparé de ses frères US, et dépasse les bénédictions de mes pères d'aussi loin que les anciennes collines. Son pays recevra en signe de bénédiction de l'Éternel le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Il a la majesté de son taureau premier-né, les cornes du buffle sont ses cornes avec lesquelles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre par les myriades d'Éphraïm, les milliers de Manassé. Benjamin est un loup qui déchire, qui consume sa dépouille le matin et sépare le butin en soirée. C'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus qu'Israël a bénies, chacun selon sa bénédiction. Nul n'est semblable à Dieu, porté sur les cieux pour venir à ton Edo-Isurun. Il est porté sur les nuées avec majesté. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il dit, extermine, et chasse l'ennemi. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Réuben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Zbulon, Joseph, Benjamin étaient tous les prophètes.